Bon, et ça c'était le 20 juillet. Voilà, c'était le lendemain. Et puis, on a fait, je sais pas combien de gens étaient à la plage, mais on était beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On a mis les tables les unes avec les autres. On a fait deux rangées de tables, tellement il y en avait, on ne pouvait pas faire une rangée juste. Tout le monde a apporté les parasols, on a apporté des chaises, et voilà. Et on a tous passé une super journée à la plage. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien, bien, bien. Là, par exemple, le petit truc là bleu, je pense que c'est à mon oncle Victor. Il a porté, ça nous a fait une ombre. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Là, par exemple, on voit ma cousine Irénée, ma cousine Rosalia, mon frère Diego et Yvette et Daniel. Mais bon, c'est juste une partie des gens. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Et là, il n'y avait pas tout le monde qui était arrivé encore. Parce que nous, on est arrivé assez tôt pour pouvoir prendre de la place. Heureusement, la plage, elle est très large. Et on s'est mis un peu vers l'arrière pour pas déranger les gens. Donc, on a pu prendre toute la place dont on avait besoin. Et les gens, comme ils... normalement, ce que les gens font, c'est se mettre juste au bord de la mer, et comme ça, on n'a dérangé personne. C'était très bien. C'était très bien. Voilà. Là, on voit un peu plus les deux rangées de tables. Là, le sac qu'il y a, il n'y avait que du pain dedans. Parce que bon, les quantités étaient de nourriture étaient industriel, j'allais dire. Ouais, il y avait beaucoup à manger, quoi, parce qu'on était un groupe assez nombreux. Voilà. Là, il y a ma maman, Lorena et Yolande qui font de la salade, voilà, qui préparaient des salades pour tout le monde. Ça, bon, et je sais pas la salade, je suis pas sûre, mais les tomates, je peux vous dire que c'est de la récolte de mes parents, les grandes et les petites. Et les petites. Tout est maison ici, tout est maison. Là, on commençait déjà à manger. Ça, c'est une rangée de table. L'autre, on la voit pas trop, elle est à gauche. Voilà. Alors, on a mangé du poulet rôti avec de la salade. Il y avait des chips. Voilà. On a bien mangé. On a bien mangé. Et là, c'est l'autre rangée des tables de l'autre bout. Voilà. Là, on mange l'autre poulet rôti. Et la mer, ça creuse, hein. Ça fait, je vois, j'ai toujours très faim à la plage. Mon frère, il danse la pelusa, là. Voilà. Je ne sais pas si tous les gens français savent ce que c'est la pelusa. Alors, la pelusa, c'est un truc qui existe depuis pas si longtemps que ça. Peut-être 6 années, un truc comme ça, pas plus. Je suis sûre que pas plus. Et ça s'est commencé à faire dans des mariages. Et normalement, on fait ça que dans des mariages, dans des célébrations, en tout cas très grandes, avec beaucoup de familles. Et puis. Et on demande que quelqu'un danse la pelusa. Pelusa, ça veut rien dire, hein. Cherchez pas à comprendre, c'est un mot et puis c'est comme ça. Alors, on dit et on veut que telle personne nous danse la pelusa. Queremos que fulanito nos baile la pelusa. Queremos que tal nos baile la pelusa. Alors, on fait comme ça. La personne en question se lève. Elle fait la danse de la pelusa. Alors ça fait pelusa por aquí, c'est-à-dire pelusa par là, pelusa por allá, pelusa par là-bas, pelusa por delante, pelusa par devant, pelusa por detrás et pelusa par derrière. Voilà, c'est tout con, mais c'est comme ça. Et ça a eu un succès énorme. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais bon, franchement, c'est maintenant on fait ça dans tous les mariages et toutes les célébrations comme ça. Alors, bon, le jour du mariage, le jour d'avant, évidemment, il y a beaucoup de monde qui a lancé la pelusa. Mais le jour de la plage aussi. Hein. Le jour de la plage, je pense que tout le monde l'a dansé. Tout le monde. Il n'y avait même pas une personne qui restait sans la danser. Et là, il y a Gérald et Lysiane. Et Lysiane, mes beaux-parents, qui l'a dansé aussi. Et je pense qu'ils avaient hâte de la danser parce qu'ils l'ont fait dès qu'on a dit on veut que Lysiane et Gérald nous dansent la pelusa, ils ont sauté de la chaise, ils se sont mis tout de suite debout, ils ont dansé la pelusa, mais vachement bien en plus. Là, on n'apprécie pas très bien parce que bon, comme ça sous les parasols, j'étais aussi assez près et j'ai pas pu prendre la photo avec beaucoup de distance. Mais on voit très bien qu'ils sont en train de danser la pelusa, mais très très bien. Ils l'ont très bien fait. Ça, c'est immersion culturelle à fond. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on mange en dessert à la plage? De la pastèque, toujours. C'est comme ça, c'est traditionnel. À la plage, comme fruit, on mange de la pastèque, c'est comme ça. Alors, en plus de la salade, du poulet rôti, on a mangé de la pastèque. Une photo de groupe. Évidemment, il n'y a pas tout le monde parce qu'il y avait tellement de monde. C'est impossible de prendre tout le monde en photo. Et là, bon, j'allais dire qu'il y a toutes les femmes. Et on n'y est pas toutes. Il n'y a pas tout le monde. Mais bon, c'est un groupe assez important. Et voilà, j'ai mis plusieurs photos parce qu'il y a eu comme des phases. Alors là, on y est. Là, c'est très drôle parce que les filles de derrière, elles ont fait un petit geste comme ça avec les bras. C'était très drôle. Et là, il y a Christophe qui s'est mis devant. On a toutes commencé à crier, je ne sais pas trop pourquoi. Mais le plus drôle de cette photo, c'est ce que j'aime le plus, c'est Maria Angeles. Parce qu'elle l'a fait... J'aime beaucoup l'expression de sa tête, le geste qu'elle fait en montrant des bras, Christophe et tout ça. J'aime beaucoup. Franchement, ça m'a fait rire quand j'ai vu cette photo. Elle est très bien. Et là, il y a Juan Carlos qui rentrait en courant dans l'eau et puis ça a tout un peu défait. Mais bon, voilà. Et là, on s'est toutes levées. Mais j'aime beaucoup aussi cette photo parce qu'on était toutes en train de parler. Oh là là, no sé qué, no sé cuándo. Et j'aime beaucoup la tête d'Adeline. J'aime beaucoup comment elle est sur cette photo. On voit bien qu'elle s'éclate. Là, c'était presque la fin. Avant de partir, là, on avait déjà remballé plein de trucs, plein de parasols, de chaises, de tables. Mais on avait quand même laissé... et quelques tables pour pouvoir prendre un peu de horchata avec des fartons. Ça, c'est un truc typique valencien. Si vous voulez en goûter, et je peux vous assurer que c'est très bon, il faut venir à Elche, parce que sinon, vous n'en aurez pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et franchement, à la plage, j'ai toujours tellement faim que, bon, ça fait plaisir de pouvoir manger de la horchata avec des fartons. Et là, c'est la dernière photo. Là, on avait déjà tout remballé, comme vous pouvez voir, là à gauche, il y avait déjà tous les parasols remballés, tout ça. Tout le monde a pris les petits frigos que tout le monde avait apportés. Voilà, tout le monde a pris ces trucs et tout le monde est parti. Et à chaque fois que quelqu'un partait, on lui chantait une petite chanson en bougeant les bras comme ça en haut avec le rythme de la chanson. Et ça faisait « Tu le chantes avec moi ?» Ça faisait « Voilà. Alors on faisait ça et tout le monde nous regardait à la plage, mais nous on s'éclatait. Et puis voilà. Alors j'espère que vous avez bien aimé les photos. Allez, bisous à tout le monde.